comment ça va, Phil? Je me présente, je suis Michael Jackson. Je suis Michael Jackson. Je suis en train de travailler ce morceau. Elle est pas mal cette séquence. Bon, allez, je la remets. C'est le tempo. Comment ?